Jean Bosco, Douimane. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 21 mars 2017. En voici tout de suite les grands titres. Après l'annonce de la hausse du prix du sucre, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques déplore que le citoyen soit abandonné par les décideurs. Et dans un micro-baladeur de notre rédaction, les consommateurs estiment que parler de carence de sucre est une honte. Et 7% des ménages de la province de Kayanza n'ont pas de latrine, selon une enquête réalisée par le service d'hygiène dans cette province, et dont le responsable parle d'un véritable problème de santé publique qui interpelle l'administration. Nous appellerons notre correspondant. Et sur réclamation de bon nombre d'entre vous, nous revenons dans la chronique santé, ce sera à la fin de ce journal, sur l'accident vasculaire cérébral. Ce sera avec Dr Constantin Nyamuzangura, il est cardiologue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour et pour ouvrir ce journal, un certain Félix Ndaye Zeguié, qui avait été kidnappé la semaine dernière, a été relaxé au cours de cette nuit, de lundi à mardi. Pour le moment, il est dans sa famille et sa santé n'est pas bonne, selon les témoignages sur place au village 4 de la commune Gihanga, en province Bubanza, d'où nous appelons notre correspondante Space Caritas Kabanyana. C'est vers la petite matinée de ce mardi que Félix Ndaye Zeguié, qui a été enlevé dans la nuit de mardi la semaine passée, est arrivé dans sa famille au village 4 de la commune Gihanga. Et c'était une grande joie dans cette famille, mais concernant la rançon qui avait été exigée par les ravisseurs pour relâcher cet homme, les membres de cette famille n'en disent rien. Il a alors été conduit au cours de cette nuit de lundi à mardi dans la Rukoko, à quelques mètres de la route Bujumbura-Rugombo, et il a été laissé là-bas. Il a marché difficilement jusqu'au village 4, selon les témoins sur place. La même source indique qu'il a mal aux yeux parce que son visage est resté bandé durant toute la semaine qu'il a été détenu afin de ne pas voir où il était, mais aussi pour l'empêcher de voir ses ravisseurs. Aussi, les balles qui ont été tirées au moment où il a été kidnappé l'ont hanté au niveau de la jambe. Il a été conduit à l'hôpital pour des soins médicaux. Balegen Salet Celestin, connu sous le sobriquet de Kigongo, qui était avec lui au moment de l'embuscade, reste toujours détenu au Service national de renseignement pour cette affaire. C'est Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Space. Cap maintenant sur Kayanza. Je vous le disais dans le titre, 7,3% des ménages de la province Kayanza n'ont pas de latrine. Ce chiffre est donné par le service de l'hygiène et assainissement dans cette province. Après enquête, le responsable de ce service parle d'un véritable problème de santé et demande l'implication réelle de l'administration dans la sensibilisation de la population pour s'en construire en attendant les partenaires de Kayanza. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Après l'enquête menée par le service de la promotion d'hygiène et assainissement en province Kayanza, 9355 ménages, les 127 904 que compte cette province, soit 7,3% sont sans latrine. Ils font toujours donc leurs besoins, certains dans la Bananerie et d'autres dans les Buisses. Parmi ces plus de 120 ménages de Kayanza, seuls 43 905 sont en possession de latrines adéquates, selon la même enquête. Joseph Naïma Anna, chargé de la promotion d'hygiène et assainissement à Kayanza, parle d'un véritable casse-tête en ce qui est de l'hygiène dans cette province. Selon lui, cela cause la prolifération de maladies diarrhéiques et autres liées au manque d'hygiène dans cette province, particulièrement chez les enfants. Comparativement à l'an 2015, Joseph Naïma Anna parle néanmoins d'un pas en avant et la province Kayanza comptait en 2015 9,3% de ménages sans latrine contre 7,3% l'an 2007. Et cela grâce à la sensibilisation faite par les chargés de la promotion de la santé ainsi qu'à l'intervention de certains des secteurs comme la Croix-Rouge et autres. Le gouverneur de la province Kayanza promet plus d'efforts dans la sensibilisation. Alice Ndaye Zeguié met en garde que sous peu, un certain délai sera accordé à la population de Kayanza, qui sera sanctionnée après tout ménage qui n'aura pas construit sa latrine. Cette autorité explique que cette activité peut être réalisée par la population même sans attendre l'intervention des bienfaiteurs. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Dans la suite de ce journal, la correspondance adressée récemment à 10 chefs collinaires sur 30 que compte la commune Bururi au sud du pays a un sens d'avertissement. L'administrateur communal de Bururi pointe du doigt certains responsables collinaires et policiers de la localité d'être derrière la fabrication de la boisson prohibée dite Igiti. Nestor Nijimbere ajoute qu'en plus des amendes infligées aux fabricants, la commune compte faire recours à d'autres voies pour que sa fabrication soit découragée. Suivez-le au téléphone avec Placide Niyomongere. Après avoir remarqué que ces boissons d'habitude sont consommées naturellement et toujours dans les dites collines, et nous avons pensé de les avertir afin qu'ils puissent s'amender pour lutter contre ces boissons prohibées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une force supérieure à celle des chefs collinaires pour que cette boisson ne soit pas interdite partout? Et cela ne soit pas exclu. Pourquoi? Parce que c'est en fait une longue observation que nous avons menée de la part des chefs de colline et de la part aussi des forces de l'ordre. Il y aurait des forces de l'ordre qui ont perdu le sens de la déontologie policière, qui demandent de l'argent à ces personnes-là qui fabriquent ces boissons prohibées. Est-ce qu'il y aurait un avantage après votre correspondance qui serait noté jusqu'ici? Nous avons déjà enregistré un pas en avant parce que sur la colline Kiremba, hier soir, nous avons saisi 12 bidons contenant cette boisson prohibée. Et puis, nous avons pu appréhender une personne qui fabrique ces boissons et d'autres ont fui après notre arrivée. On traque des gens fabriquant cette boisson prohibée et de moment à la présent, à un certain moment, on les voit libres. Qu'est-ce qui fait que la justice ne fait pas son travail comme d'habitude? On les traduit à la justice et la police applique la loi en les taxant d'amende. On arrive à ce point quand on remarque que ça continue toujours. On peut faire recours aux autorités supérieures de la police pour leur dire qu'ils puissent pointer du doigt à leurs agents pour que ce comportement soit aussi découragé. C'était l'administrateur de la commune Bururi, Nestor Nijimbere, au téléphone avec Placide Niyomongere. À titre de rappel, cette boisson dite Igiti a déjà coûté la vie à 6 personnes au cours de l'année 2016, selon les informations fournies par les autorités de cette commune de Bururi. Il est 13h03 à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les conducteurs de taxi vélo s'insurgent contre des sanctions leur infligées par leur association Sotavebou à tous ceux qui ne portent pas de gilet et conduisant des vélos sans plaque d'immatriculation, alors que ces mesures ont été suspendues par les autorités municipales et la Direction générale du transport. Ce mardi matin, une rafle a été faite au rond-point du Côté-Bou. Ces conducteurs de vélo affirment ne pas savoir la destination de tout l'argent collecté en guise de ces punitions. Pascal Niyonze, reportage. Ce sont les grognes des conducteurs de taxi vélo après avoir payé une amende de 2000 francs. Ces transporteurs disent ne pas comprendre pourquoi ces responsables de leurs associations continuent à les perturber alors que les plaques et l'uniforme ne sont plus obligatoires. Ils évoquent une mesure temporaire du ministère des Transports. Le ministre des Transports a dit que la vente de CGV et des plaques doit être temporairement suspendue. Après quelques jours, nous avons encore été pourchassés. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont attrapés à cause des plaques. Nous croyons qu'il y a de l'injustice. Ce sont les responsables de sécurité de cette organisation, Sotavebou et Sotavedebou, et leur expliquent qu'ils doivent être en possession des plaques et qu'ils doivent se conformer aux ordres. Ces plaques exigées ne sont pas faciles à se procurer selon ces mêmes conducteurs de taxi-vélo. Ils dénoncent même une sorte d'irrégularité dans son octroi. Interrogé à propos, les responsables des associations des conducteurs de taxi-vélo qui étaient sur place se sont gardés de tout commentaire. Ces transporteurs font savoir que ces actes ne sont pas signalés au parking du rond-point des Nations Unies seulement, mais que cela se passe dans plusieurs quartiers, surtout ceux du nord de la capitale. Pascal Niyoyangonze, les hausses répétitives du prix du sucre au Burundi montrent à suffisance que le citoyen burundais est oublié par les décideurs. C'est une déclaration du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLCOM. Gabriel Rouftiri trouve que le problème est que les administratifs qui devraient prendre des mesures à l'endroit des spéculateurs sont parmi ces commerçants de sucre. Suivez. Le citoyen burundais est oublié. Nous voyons que les spéculateurs ont pris le devant. Un citoyen, la personne qui plaide pour lui. Il est vraiment anormal de voir qu'un produit, que le pays produit, ne parvient pas à être accessible, alors que dans les discours des autorités, on nous dit toujours que le cycle est en quantité suffisante. Mais vous voyez que c'est un cycle qui n'est pas visible, donc c'est sur le spéculateur qui joue. Mais ici, je dois vous dire que le problème réside à un niveau où c'est sur le spéculateur qui font ça. Ils exportent tantôt, ils cachent pour vendre à un prix exorbitant. C'est que les administratifs qui devraient sanctionner ces individus-là se trouvent dans le coup, donc personne n'est inquiété. C'est un problème qui date de longtemps parce que ce sont les intérêts de ces individus-là qui sont mis en avant. Comme je vous le dis, tantôt le sucre est exporté pour avoir des devises sur ces individus, tantôt le sucre est caché. Dans le budget, il y a une augmentation des taxes. Sur base de cette augmentation, le gouvernement a déjà revu à la hausse le prix du sucre. Et voilà maintenant ce qui vient d'être revu à la hausse deux fois dans moins de 2-3 mois. Voilà, c'était Gabriel Ouftiri, c'est le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM. Et parler de carence de sucre est honteux, comme nous l'ont indiqué certains habitants de la capitale Bujumbura après l'annonce du ministère du Commerce de la hausse du prix de ce produit de 140 francs burundais le kilogramme. Le prix officiel du sucre est passé de 2200 à 2340 francs bou le kilo. Cette population demande l'importation du sucre afin d'accroître l'accessibilité à ce produit. On n'a pas encore le micro-baladeur, ce n'est que partie remise pour notre édition de la soirée. Sachez que le prix d'un kilogramme de sucre est aujourd'hui vendu à un prix variant entre 3500 et 4000 francs bou en province de Cibitoke. Ces commerçants de ce produit font savoir que ce sucre provient des pays voisins et le commissaire provincial de la police met en garde quiconque vend le sucre à un prix exorbitant et qu'il sera sanctionné. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'ONG locale Le Bon Samaritain appelle tout homme charitable à apporter sa contribution pour aider Ariane Kwizera, une fillette de 4 ans qui souffre d'une maladie cardiaque depuis sa naissance. Sa famille voudrait l'amener pour des soins en France le 1er mai prochain, mais elle dit n'avoir pas de moyens financiers estimés aujourd'hui à 3 200 000 francs burundais. Léonce Vitalio. Ariane Kwizera, 4 ans, est une fillette de Charama dans la zone urbaine de Kinama. Elle a commencé à souffrir 3 jours après sa naissance. Hospitalisation après hospitalisation, sa mère, Donatani Irera, n'a cessé de s'inquiéter. Et elle a appris de quoi souffrait son enfant après une année et demie. Le médecin m'a dit, « Eh bien, ton enfant souffre d'une maladie cardiaque. Tu reviendras dans 6 mois. Si on ne parvient pas à la traiter, tu devras aller à l'étranger pour une opération. » La somme exigée pour l'opération à l'étranger est d'un peu plus de 4 millions de francs burundais. La famille a déjà reçu 780 000 francs de la part des bienfaiteurs. Il lui reste 3 millions et 200 000 francs. La mère, Donat, ne voit pas où en trouver. Quand il m'a parlé de l'argent, j'ai senti que je ne peux pas en avoir. Je lui ai dit simplement « Merci de m'informer de la maladie dont souffre l'enfant. » Mais je ne suis vraiment pas capable de payer ces frais exigés à l'étranger. Parmi les besoins principaux se trouvent le ticket d'avion, le passeport, la carte jaune, etc. L'ONG locale, Le Bon Samaritain, qui plaide en faveur d'Ariane, appelle l'intervention de toute âme charitable pour sauver la vie de l'enfant. Alexis Boutoyi, c'est le président de cette association. J'interpelle à toutes les personnes de venir en aide de cette famille si pauvre. Toutes les personnes qui entendent cette information, qui informent ses collègues de travail, qui font leur collecte de 10 000, de 5 000 francs, en mettant de commun les forces, nous arrivons à sauver cet enfant. Si la somme exigée en faveur d'Ariane Kwizera était obtenue, son départ pour l'opération à Nantes, en France, est prévu le 1er mai prochain. Radio Isanganiro Chronique. Je